fait que ma vie, quand je devrais la rendre, laisse le souvenir d'une rose tombée. Au milieu de la neige, un beau jour en décembre, et que des amoureux viennent la ramasser. Je voudrais que ma vie vous aide à vivre ensemble, vous faisant oublier ce qui vous désunit, au son d'une chanson qui vient se faire entendre, comme celle que je fais pour vous tous aujourd'hui. C'est pour ça que j'essaie de dire ce que je pense, de dire ce que je vois, de dire ce que je vis. Il s'agit quelquefois de choses sans importance, mais qui sont la raison de toute notre vie. Que ma vie laisse une trace tendre, comme après ce baiser que l'on vient de voler, comme une braise couve au milieu de la cendre. Je voudrais que ma vie vous aide à vous aimer, comme une braise couve au milieu de la cendre. Je voudrais que ma vie vous aide à vous aimer.